Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau. Amélie Barbeau est du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve, Labrador, CKJM Chétiquan, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, YACKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario, Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton, CLS Victoria, Colombie-Britannique, et CVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Eh bien, si vous cherchez Moonfruit, ne cherchez plus, ils ne sont pas en Ontario jusqu'à la mi-décembre. Ils sont en Europe, et oui, ils sont en Europe. Ils ont des spectacles en France, en Belgique, en Allemagne, ça jusqu'au 15 décembre. Donc, ça va très bien pour eux. On va entendre Les Marins dans quelques instants. Et par la suite, bonne nouvelle pour le groupe Les Soliloques de Kingston, Max Nollet et Erika Lamont. Ils ont reçu du financement pour le Conseil des arts de l'Ontario pour la création d'un spectacle. Donc, peut-être qu'on les verra un peu partout en Ontario. Je le souhaite. On va entendre la pièce « Croire » dans quelques instants. Très bonne pièce que les membres de Soliloque m'avaient passée il y a quelques années. Et là, je suis content de voir que ça se poursuit et qu'il y a des choses qui s'en viennent pour eux. Pour rien. Et nous vivons pour le bien, le social. Mais pourtant, on a du talent. Maman me le dit. Petit frère pécheur, et le ciel s'ouvre à nous. On tend nos ailes, puis il nous les cloue. Mais ils savent bien qu'on sait. ses tunnels, tout comme une toile que tisser ensemble. Ça vaut une voile et en s'organisant, on naviguera loin. Et mes souvenirs qui s'effacent. Je suis l'éternel vagabond qui veut larguer son enclume. Je souhaite partir pour de bon, loin de mes amertumes. Mais pourtant la vie me ramène au point de départ. Mais pourtant les saisons partent et reviennent, tel un doux cauchemar. Quand est-ce que je vais pouvoir me réveiller sans avoir à croire, à croire que le monde ne change pas, que dans le fond j'ai pas le choix de croire, de croire. S'envole mon espoir, lève mes pensées sur le seuil de quitter sans au revoir. Je suis le vieux tambour qui attend patiemment la venue du héros qui ramène la flamme d'antan. Mais pourtant la vie me ramène au point de départ. Mais pourtant, les saisons partent et reviennent, tel un doux cauchemar. Quand est-ce que je vais pouvoir me réveiller sans avoir à croire, à croire que le monde ne change pas, que dans le fond j'ai pas le choix de croire. Je vaincrai le courant. que je vais pouvoir réveiller sans avoir à croire. Que le monde ne change pas, que dans le fond j'ai pas le choix de croire. Quand est-ce que je vais pouvoir me réveiller sans avoir à croire, à croire. Que le monde ne change pas, que dans le fond j'ai pas le choix de croire. On a acheté, on veut célébrer cette équipe bien aimée. Comme à la télé, le stade et ses palmiers, image immortalisée. Le centre-ville juste à côté, les partisans célébrités. Les équipes, les autres fois, tous les géants et leurs exploits. Magic, Beckham, Mekofax, Gretzky est devenu roi. Les personnages changent, les costumes restent pareils. On leur chante des louanges pourvu qu'ils nous émerveillent. Nous sommes les fanatiques, nous sommes le peuple passionné. Vérité dogmatique, évangile télévisé. La ville et le sport, logo sur le corps, nos cœurs et nos dollars, une nation en accord. Identifié avec nos équipes préférées, on s'est enraciné avec les histoires glorifiées devant la télé. Nous sommes les fanatiques, nous sommes le peuple passionné. Vérité dogmatique, évangile télévisé. Nous sommes les fanatiques, nous sommes le peuple passionné. Vérité dogmatique, évangile télévisé. Excellente chanson qui s'appelle « Les évangiles télévisés ». Et M. Édouard Landry qui a proposé cette chanson-là sur son album « Pomme Plastique 3 », me disait qu'il faisait la comparaison des évangiles, même encore aujourd'hui, je pense, à lieu. Les dimanches, il y a des évangélistes à la télévision anglophone, surtout aux États-Unis. Et il comparait le sport aux évangiles, aux évangélistes qu'on voit à la télévision le dimanche. Donc, belle comparaison. Vraiment très intéressant. Mettez la main là-dessus. C'est super bon. Pomme Plastique 3. EdouardLandry.com ou .ca. Là, je me souviens jamais. Allez en chercher une copie de cet album-là. C'est magnifique. Ça nous amène au bloc instrumental. J'ai deux chansons à vous proposer. La première, c'est « Septembre » de Carte Blanche. Carte Blanche, c'est l'album du groupe Les Païens. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Il faudrait que je regarde qu'est-ce qui se passe avec eux. Ce groupe de jazz fusion rock acadien. Donc, « Septembre », ça s'en vient. Et par la suite, on va entendre « The Olympians » de Pajot. Pajot, qui maintenant, ces jours-ci, est le leader de la formation rock progressive québécoise « Mystery ». Il se promène un peu partout en Europe, c'est génial. Thank you. gonna get it.